Par contre, on doit se retenir un peu. Tenez votre vessie avec votre main comme ça. Parce qu'il faut aller entendre les instants classiques d'Assemblage requis. Bien sûr. Yeah. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 2 avril 2012. La Corsica est morte! J'ai manqué de frein avec ma Corsica. Donc, je suis rendu avec une dynastie. Un seul siège en avant. Ben ouais, une banquette. Un matin, t'as pas tenté. Non, j'ai le rapprochement. De venir t'asseoir dans le milieu. Je garde ça pour la dernière journée de la semaine. Ah ouais, pour vrai? Est-ce qu'il y a un lecteur cassette? Non. Même pas? Non. Ghetto Blaster, sur le siège en arrière. Oui. Mathieu, tu te pencheras pour virer la cassette d'abord. Ok. Bon. C'est ce que tu me dis souvent d'ailleurs, Mathieu Pente. Moi, c'est Mathieu Pente. Et moi, François Olivier. Et on s'adonne à être en direct des studios C'est Fou à Trois-Rivières. Hein? Oui. Seulement ce matin. Seulement ce matin. D'habitude, c'est. Ouais, c'est en différé. Écoute, on vient la taper le matin. Okay. Encore plus de bonheur. À 4 heures. Ouais, c'est ça. On va se coucher. Puis on vient travailler un peu plus tard. Ça finit bien la nuit. Ouais, ça, c'est exact. Pourquoi dormir en ça fait? Ça finit bien la nuit. C'est ça. À 4 heures du matin. Ça commence pas bien une journée. Ça finit bien la nuit. Ben, c'est l'émission qui finit bien votre nuit. Alors ça, laisse-moi deviner ce que tu veux dire. J'imagine, t'aurais dit, ça a été une très bonne chanson, ça aurait pas été de la musique en arrière. Ça ressemble à ça. Ben, ouais. Bam, bam. On dit merci à Marie-Pierre Laforge-Bourret. Bien sûr. Ce matin. Elle est en train de s'en aller, puis gars, c'est elle qui a fait. Parti. À la fin, la chanson, ça a fait comme. Bam, en tout cas. Hey, bon. Colin, on a compris. Matin. Ben, matin. Matin. Jasmine, faut le dire, elle abandonne complètement le français, elle va faire sa chronique en espagnol. Oublie ça. Donc, elle va nous faire ses comptines de Jasmine et François. Il va falloir que tu apprennes avec nous. Je sais pas si t'as déjà fait ça, à claquer les doigts, OK? On va se pratiquer. Ouais, capable. T'es capable? OK, on y va. Jouer du piano aussi. Vous manquez de pep un matin. Ben ouais, mais là. C'est ça. C'est okay. Moi qui étais plate. C'est pas un blâme contre Jasmine, mais tu sais, elle a pas parlé bien bien. David Ferron, bon matin. Bon matin. Mais bon matin, ça va bien. Ça va très très bien, trop bien presque. Ouh! On a du pep. What? Nouvelle chronique, graine de pivot et non pas pavot comme on serait habitué d'entendre dans un bagel, mettons. Mais j'entends pas mon bagel, quoique quand je le mets dans l'oreille, j'entends la margarine qui m'attend. Miam, miam. Dans Marguerite t'appelle. Il m'appelle. Oh. Mes bagels au pavot. Oh. C'est une main. Oh, quand on se quitte avec Blink 182. Oh, et la pièce I Miss You. I Miss You? Je m'ennuie, Mathieu. Déjà? Déjà. On se retrouve demain, François. Oh. Sèche tes pleurs, ma sœur. Sèche tes pleurs. Sèche tes pleurs, ma sœur. Les désirs sont des ordres. Oh. C'est l'assemblage de la comment? Homo? Homo. Homo? Je pourrais te prendre Homo. Ah, OK. Je vais faire mettre une virgule quelque part là-dedans. Je voulais te prendre Homo. Je me créerais au paradis sur une île déserte. Comment? Oh, ouais. C'est de même. C'est pour ça que t'enlèves tes vêtements, là. Ouais, c'est ça. Je vais prendre une petite pause avec vous pendant qu'on continue. Passe la coule douce. Les consignes de Jasmine avec Jasmine Raymond Drainville. On va nous faire les petites consignes. La la la la, dormez-vous, dormez-vous. Quoi? Pas tant que ça, vous dormirez pas vraiment, ben je vous dirais si vous écoutez ça. Hey, réveille, bonhomme! Fais dodo, c'est bon pour ton père. Fais dodo, bon pour toi aussi. Fais dodo, dans ta bulle d'amour. Fais dodo, à demain matin. Mais c'est quoi ça? Je connais pas tes comptines. Mais je trouve qu'on dirait la famille d'Arèche. On dirait, hein? C'est qui? Très, très mauvais. Je dirais pas c'est qui, quand même. Ce serait méchant, un peu. Oh, mon Dieu. C'est un extrait que j'ai c'est terrible. Récolté sur... Épouvantable, je dirais. Sur Internet. Oui, c'est quelque chose, c'est pénible. Ouais. Donc, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis. Je me suis dit, un extrait de musique pénible irait bien avec les moments pénibles qu'on a vécu cette semaine. Mais c'est parce que ça rimait même pas. Non, je sais, c'est bon pour ton cœur. C'est bon pour ton père, que j'ai entendu. Ah, c'est votre coucher parce que tu tombes ses nerfs. Ouais. Fait que c'est bon pour ton père, c'est bon pour toi aussi. R, I, ça ne rime absolument pas. OK, OK, OK. C'est ça, poète-là, ouais, vraiment beau. Attends un peu, c'était où, c'était-tu, dans ces coins-là? Je pense que c'est ici, OK. Fais dodo, c'est bon pour ton père. Ton père. Ton père, eux. Bon pour toi aussi. Bon pour toi aussi. OK. Non, OK, ça, non, okay, non, ça va aller. Quand même, c'est beau, la chorale. Bon. Ouais, non. Ouais. C'est un genre, hein, c'est un genre. Ouais. Donc, voilà pour les meilleurs moments d'assemblage requis. Ça repasse du lundi au jeudi entre 7h et 9h, évidemment, de toutes nouvelles éditions avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante. Et puis, c'est ça. On aime ça.